chaque instant de bonheur. Je garde ton sourire dans chacun de mes souvenirs. Ces mots que tu sais dire enivrent mon corps de désir. Je pourrais rester là des heures, te regarder, te savoir par cœur. Je voudrais partager ces heures tout près de toi et nulle part ailleurs. Je garde en souvenir ces moments qui me font frémir. Je veux t'appartenir 10 fois, 100 fois, je veux te dire. Emmène-moi avec toi. Baby, garde-moi près de toi. Emmène-moi avec toi. Là-bas. Emmène-moi avec toi. Baby, garde-moi près de toi. Emmène-moi avec toi. Là-bas. Je pourrais rester là des heures, dans tes bras ressentir ta chaleur. Penser pour toi pendant des heures, savourer toutes ces nuits de douceur. Et même s'il faut s'enfuir au bout du monde, je veux te suivre. Faire de toi comme une île. Des heures, tout près de toi et nulle part.